réjouis de toi, que tu es mon seul respirable. Que je passe mon temps à t'attendre, à te croire mort si tu es en retard, à mourir de te croire mort, à revivre quand tu entres. Et quand tu es là, enfin, à mourir de peur quand tu pars. Maintenant j'ai de l'air parce que tu m'as entendu mon amour, j'ai dormi parce que c'était la première fois. Le premier soir endort ce que ne supporte pas, c'est la seconde nuit hier et la troisième demain, et des jours à faire revenir. Et en admettant que je dors, après le sommeil, il y a les rêves et le réveil. Et manger. Et se lever, et se lever, et sortir, et le jouer. Mais mon pauvre chéri, je n'ai jamais eu rien d'autre à faire que toi. Marcia sa vie organisée.